Le mufti de Najd de son époque est l'auteur du livre Fath al-Majid. Le shir Abdurrahman Ibn Hassan al-Shir, rahimahullah, a dit à propos du verset. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, à Tarut, jusqu'à la fin du verset. Sourate 2, verset 256. Il dit, se juger par At-Tarut est une croyance en lui. Voir dans Fath al-Majid, chapitre, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire? Il a aussi dit dans le même chapitre, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Sourate 4, verset 60. Il dit, et dans l'histoire de Omar et son exécution de l'hypocrite qui a demandé jugement auprès de Ka'b ibn Ashraf, le juif, une preuve que toute personne qui montre de la mécréance ou de l'hypocrisie doit être tuée. Mohammed Jamal ad-Din al-Qasimi a dit dans son tafsir, connu sous le titre de Mahasin al-Ta'wil, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent? Sourate 4, verset 60. Premièrement, Allah a dit, ils veulent prendre pour juge le Tarut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Allah a considéré le fait de se faire juger auprès de Tarut comme une croyance en lui. Et nul doute que croire à Tarut est une mécréance en Allah, tout comme la mécréance à Tarut est une croyance en Allah. Suleyman ibn Abdullah et le Sheikh Rahmahullah dit dans son livre Taysir al-Aziz al-Hamid, page 419, le chapitre « La parole du Très-Haut », n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire, sourate 4, verset 60. Dans ce verset se trouve la preuve que délaisser le jugement du Tarut, c'est-à-dire tout jugement autre que Al-Qur'an et Sunna, fait partie des obligations, et que celui qui demande justice à Tarut n'est pas croyant, et encore moins musulman. Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, rahmahullah, a dit, celui qui se juge par autre que le Kitab et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après connaissance et mécréant. Voir dans Dar al-Samniya, volume 10, page 426, le chapitre du jugement de l'apostat. Hamad ibn Atiq rahmahullah a dit, le deuxième sujet concerne les choses qui font du musulman un apostat. Il a ensuite cité ces choses. Il a dit, première chose, se faire juger par autre que le Kitab et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit comme le cas de la quasi-totalité des bédouins de son époque, qui jugent d'après les lois faites par leurs parents et leurs prédécesseurs qui ont mis en place des lois maudites appelées lois du Rifa'a, qui sont mises avant le Kitab et la Sunna. Quiconque commet cela est mécréant. Voir dans Majmou' al-Tawhid, volume 1, page 361. Hassan ibn Nasr al-Ma'ammar a dit « Est plus significatif que cela sa parole. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et son messager. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. » Sourate 4, verset 59. Ce verset est une preuve que la référence pour les litiges des gens dans les bases et les détails de la religion ne peut être que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. C'est pour cela qu'il a dit « si vous croyez en Dieu et au jour dernier ». Et ceci est une condition. Et si celle-ci n'est pas présente ou est absente, l'acte qui lui est lié sera absent. Par conséquent, prendre comme juge autre qu'Allah et son messager annule la croyance en Allah et au jour dernier. Voir dans Majmou' al-Rasa'il ou al-Fatawa de Sheikh Nasr al-Ma'ammar à la page 173. Suleyman ibn Sahman, rahmahullah, a dit « Et si on demande aux gens de At-Tarut de revenir au jugement d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser le jugement des Tawarites ?» Ils retorquèrent « Nous faisons cela par peur de nous entretuer. Si je ne suis pas d'accord avec qui que ce soit sur le fait de se faire juger par la loi de Rifa'a, il va me tuer, ou je vais le tuer. » Et à cette parole, il a rajouté « En second lieu, on leur dit, si vous avez su que le fait de demander justice à Tarut est de la mécréance, Allah nous a rappelé dans son livre que la mécréance était plus grave que le meurtre. La fitna, l'association, est plus grave. La fitna, l'association, est plus grande que le meurtre. » Sourate 2, verset 191. « La fitna, l'association, est plus grave que le meurtre. » Sourate 2, verset 217. La fitna dans ces versets désigne la mécréance. Si les nomades et les gens de la ville venaient à s'entretuer jusqu'à leur destruction, cela leur serait largement moins grave que s'ils venaient à désigner un tarot sur terre afin qu'ils jugent dans leur divergence avec autre chose que la charia de l'islam qu'Allah a révélée à son messager sallallahu alayhi wa sallam. En troisième lieu, il a dit, si demander justice à ta route est de la mécréance, tout en sachant que les divergences se font à cause des choses matérielles, alors comment peut-on concevoir le fait de rejeter la foi pour des choses matérielles? Car nul ne peut se prétendre être croyant tant qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne soient les plus aimés et jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui soit préférable à ses enfants, ses parents et tous les gens. Si tu venais à perdre tous tes biens matériels, il ne te serait jamais permis de demander justice à ta route afin de les récupérer. Et si une personne venait à t'obliger à choisir entre demander justice à ta route ou perdre tous tes biens, tu es forcé de devoir choisir de perdre tous tes biens et en aucun cas il ne te sera permis de demander justice à ta route et Allah est le plus savant. Voir dans Ad-Darasaniya, volume 10, page 510. Il dit aussi sur l'hypocrite tué par Omar à cause de sa demande de jugement par un taroute. Et c'est ainsi qu'il faut se comporter envers ceux qui se font juger auprès des tawarites. Si ce calife guidé avait tué cette personne juste à cause de sa demande de jugement auprès de At-Tarut, alors celui qui a ce comportement comme habitude et n'accepte que cela mérite d'être exécuté, car il a apostasié et commis du mal sur terre. Le bien de la création consiste à avoir Allah comme adoré, l'islam comme religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète suivi en se référant à sa loi. En l'absence de tout ceci, le mal sera immense et la création sera ruinée. Et la parole d'Allah, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Explique que celui qui prétend croire en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tout en jugeant avec une loi autre que celle de l'islam, est menteur, hypocrite, égaré du droit chemin. Voir dans Dorasaniya, volume 10, page 506-507. Cheikh Abdelrahman al-Sa'di, rahmahullah, dit dans son livre « Al-Qawl al-Sadid, al-Kitab al-Tawhid, chapitre « Quiconque obéit aux savants et gouverneurs qui permettent ce que Allah a interdit ou interdisent ce que Allah a autorisé, alors il les a pris comme seigneur. » Le devoir de chacun est de ne pas prendre comme juge un autre qu'Allah, et de se référer dans ses litiges à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, afin que sa religion soit totalement pour Allah, ainsi que son tawhid. Toute personne qui demande jugement à autre qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a pris At-Tarut pour juge. Et s'il prétend être croyant, il n'est en fait qu'un menteur. El-Iman n'est valide qu'en prenant Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme juge dans les bases et détails de la religion, et dans tous les droits, comme l'auteur l'a bien expliqué dans l'autre chapitre. Quiconque demande justice à un autre qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a pris celui-là comme seigneur et a ainsi demandé justice au At-Tarut. Il dit aussi concernant l'explication de la parole d'Allah. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sourate 4, verset 59. Cela indique que celui qui ne se réfère pas à eux dans ses litiges n'est pas croyant en vérité, mais il est croyant au Tarut, comme il l'a cité dans le verset qui a suivi, le verset 60. Cheikh Mohammed Ben Brahim a dit ainsi que Abdullah ibn Hamid, Abdullatif Ben Brahim, et ainsi que plusieurs autres, la plus détestable des péchés et le plus grave des maux est de se faire juger avec une loi autre que celle d'Allah, telles les lois et les réglementations humaines. Les habitudes des prédécesseurs et des ancêtres dans lesquels beaucoup de gens sont tombés et les ont acceptés à la place de la loi d'Allah avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Nul doute que ceci fait partie de la plus grande hypocrisie et est parmi les plus grands rites de mécréance, injustice, perversité et des lois de la jahiliya que le Coran a annulées et contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate 4, verset 60. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Sourate 4, versets 44, 45 et 47. Ces versets sont une sévère mise en garde de la part d'Allah envers ses serviteurs contre le détournement de son livre, la sunna, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et contre le fait de ne pas les prendre pour juges. Le jugement de la part d'Allah de celui qui juge avec autre que sa loi est mécréant, pervers, et a le comportement des hypocrites et des gens de la jahiliya. Soyez sur vos gardes aux musulmans.